Bruno, tu as un trait, je dirais, métamorphe. D'un côté, on a l'histoire, et de l'autre côté, on a carrément le futur. Et j'ai trouvé que c'était vraiment deux traits totalement différents, presque. Oui, ça a été mon problème, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais plutôt été dans la première partie du problème, c'est-à-dire que tous mes albums se situaient, dans le meilleur des cas, dans les années 80, et donc me demandaient une certaine recherche de documentation pour la création de l'univers. Donc c'est quelque chose que je sais faire et que je sais faire assez vite, maintenant. En choisissant les musées, en choisissant les lieux de vacances pour fréquenter les meilleurs musées, notamment le musée de la marine de Lisbonne pour ce qui est des caravelles, puisqu'ils ont une très belle collection de maquettes. Mais par contre, c'était la première fois que j'étais confronté au problème de créer entièrement un univers de science-fiction. C'est vrai que dans un premier temps, ça a été la partie la plus difficile du projet, c'est-à-dire essayer d'inventer une base spatiale qui tienne à peu près debout. C'était pas comme Tintin sur la Lune, c'est-à-dire que je voulais pas non plus être en avance sur mon temps et monter quelque chose qui soit parfaitement réaliste. J'avais plus envie de m'inspirer de la science-fiction de gens comme Terry Gilliam avec Brasil ou L'Armée des 12 Singes, une science-fiction un peu branquignole, rafistolée de partout, qui soit prête à tomber en panne à n'importe quel moment. Je trouve que ton trait est plein d'énergie, énergie que l'on retrouve dans tes autres séries, dont Je ne suis pas petite, mais aussi tel un tribun sur internet. Ouais, ça c'est parce que je bois trop de café en fait. Oui, non, je suis sans doute quelqu'un d'un petit peu nerveux d'une part, et impulsif et intuitif, et du coup il peut m'arriver de pousser certains coups de gueule, que ce soit par mon dessin ou par des tribunes sur les réseaux sociaux. Il y a cette espèce de décompte original, est-ce que c'est une idée de vous deux? Des comptes avant la sortie? Oui. Non, alors c'est une idée de Bruno, mais avant qu'il réponde à cette question-là. En tant que scénariste, on a toujours rêvé qu'un dessinateur puisse s'emparer d'un univers qu'on a créé, évidemment, puisqu'on doit travailler ensemble, mais en plus, s'y investisse tellement qu'effectivement, plein de choses viennent de son propre chef, etc. et tout ça, et donc par des dessins à côté ou autre. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est un vrai plaisir, parce que je sens que l'univers s'y prête, les personnages s'y prêtent, le dessin de Bruno s'y prête, mais après, il faut encore vouloir donner du temps, de l'énergie, de la sueur à tout ça. Et je sens bien que Bruno s'y amuse énormément. Et je suis persuadé que c'est quelque chose qui contribue et qui va contribuer à créer quelque chose autour de la série, plein de petits dessins inédits, des petites choses. Et Bruno, en permanence, a des idées comme ça pour dire, tiens, mais si on faisait ceci pour accompagner le bouquin ou cela. Et ça, c'est vrai que du coup, ça fait comme des ping-pong dans ce qu'on pourrait faire. C'est assez trippant en tant que scénariste parce que du coup, j'ai l'impression un peu qu'on peut tout se permettre pour développer l'univers et qu'on est loin d'en avoir épuisé toutes les possibilités. Donc on peut vraiment dire une rencontre de deux héros, les deux personnages, et une rencontre de deux auteurs. Pour moi, oui. Ouais, ouais. J'ai mis le temps à trouver co-auteur idéal, mais là, je suis persuadé que, à moins que je faillisse à ma mission un moment ou un autre, mais c'est pas moi qui me lasserai de Bruno Duhamel. Après, le seul truc, c'est que il faut que j'écrive moi régulièrement et que lui, il trouve son compte, parce que Bruno est un auteur complet par ailleurs, donc il peut tout à fait travailler tout seul. Il continuera sur la série s'il continue à sentir qu'il peut s'y investir. Est-ce que tu es lassé de Chris? Non, absolument pas. Non, j'adore le café. Merci beaucoup à tous les deux, et puis bon courage pour cette nouvelle série. Merci.